إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajid fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait terminé le livre du mariage et on avait entamé le livre du hajj, du pèlerinage. Les choses par laquelle on avait terminé le livre du mariage, on avait parlé de la femme avec qui on a divorcé trois fois. Quel jugement on avait cité la semaine dernière concernant la femme qui est divorcée trois fois? Qu'est-ce qu'elle a de particulier comparé à la femme avec qui on a divorcé ou qui a été divorcée une ou deux fois? La femme qui était divorcée une ou deux fois, on avait dit que son mari avait le droit de la récupérer durant la période d'attente, et ceci à n'importe quel moment. Et que durant cette période d'attente, il devait à la fois nourrir et subvenir aux besoins de cette femme, car elle reste son épouse, même si elle est en période d'attente. Quant à la femme avec qui il a divorcé trois fois, c'est une grande séparation, une nouvelle union ne pourra être possible que si elle se remarie avec un autre homme en mariage sincère et que le mariage soit consommé. Et donc on avait dit que pour la femme avec qui on a divorcé trois fois, al-mutallaqatu talaqan ba'inan, que le professeur Hassan m'a dit la sukna laha wa la nafaqa, il n'y a pas l'homme n'est pas, il ne lui est pas obligatoire de loger son ancienne épouse ni de subvenir à ses besoins, sauf dans un cas, sauf si elle est enceinte. Dans ce cas, il doit subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle accouche, car la période d'attente pour une femme enceinte qui a été divorcée de son mari est de 3 mois, la femme enceinte, jusqu'à l'accouchement. La idda dure jusqu'à l'accouchement. Donc, son mari, ou plutôt son ancien mari, car divorcé trois fois, il n'est plus sa femme, doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Ensuite, on avait parlé de istibra, qui était le fait d'attendre une menstrue pour être sûr que la femme n'est pas enceinte. Et ceci, on avait dit que était applicable dans deux cas. Le premier, lorsque la femme demande al-khul, lorsqu'elle demande la séparation avec son mari, dans ce cas, la idda est de d'une menstruée. Et également, auparavant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ils achetaient une esclave, ils attendaient une menstruée pour être sûr que qu'elle n'est pas enceinte, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement, que son eau ne touche pas l'enfant d'autre que lui, autrement dit qu'il n'est pas de rapport avec la femme enceinte. Donc d'attendre une menstruée pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, et si elle est enceinte, alors d'attendre qu'elle accouche. Ensuite, on a parlé de l'hadana ou al-hidana. Les deux sont possibles en arabe, avec al-kasr ou avec al-fath. Al-hadana qui n'est autre que la garde de l'enfant. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant la garde de l'enfant? lorsque un homme divorce de sa femme et qu'il a avec cette femme des enfants, à qui revient la garde? Celle qui a le plus de droits, c'est la femme. La femme, c'est elle qui a le plus de droits à la garde de l'enfant. Et ceci jusqu'à ce qu'elle... Premièrement, jusqu'à ce qu'elle... Ou plutôt tant qu'elle ne s'est pas remariée. Si elle s'est remariée, dans ce cas, celui qui mérite le plus la garde de l'enfant, c'est le père. Et on avait dit aussi que lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, et après des recherches, je n'ai pas trouvé des preuves qui viennent spécifier ces 7 années. Je ne connais pas de preuves qui spécifient les 7 années. Mais les savants disent que lorsque l'enfant a atteint l'âge où il peut différencier, l'âge de discernement, l'âge où il peut réfléchir, être dans une situation où il a le choix entre deux cas et d'avoir une certaine maturité qui va lui permettre de choisir un cas ou l'autre. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une femme s'est plaint à lui sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: oh envoyé d'Allah, mon mari m'a divorcé et veut prendre mon enfant alors qu'il m'aide à prendre de l'eau de tel puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet enfant: voici ton père, voici ta mère, et prends la main de celui avec qui tu désires partir. Et il a pris la main de sa mère et est parti avec elle. Et on avait dit que lorsque il y avait une discorde, ou lorsqu'il n'y avait pas de possibilité d'accord, que dans ce cas-là, cette situation peut intervenir ou peut avoir lieu lorsque l'enfant ne peut pas choisir ou ne veut pas choisir. Lorsque l'enfant, on lui demande: choisis entre ton père et ta mère, il lui dit: je ne peux pas choisir ni l'un ni l'autre. Dans ce cas, il faut avoir recours au tirage au sort. Dans ce cas, il faut avoir recours au tirage au sort. On avait dit que le tirage au sort était légiféré dans notre religion et qu'il était pris en compte. Mais il y a un détail que je n'ai pas cité la semaine dernière et que je cite aujourd'hui, c'est que les savants disent qu'il faut voir avant tout l'intérêt de l'enfant et que l'intérêt de l'enfant passe avant tout. Yani que des fois le choix de l'enfant ne doit pas être pris en compte. Par exemple, si c'est un enfant qui choisit son père parce que son père, par exemple, ne lui demandera pas de faire la prière, parce que son père le laissera faire ce qu'il veut, parce que son père le laissera sortir à l'heure qu'il veut, etc., etc. Alors que sa mère, elle, c'est une mère qui est beaucoup plus responsable, qui va ordonner à son fils de faire sa prière à l'heure, qui va inscrire son fils dans des écoles pour qu'il puisse apprendre la religion ou le Coran, etc. Dans ce cas, les savants disent que l'intérêt de l'enfant est plus préservé s'il va avec sa mère plus que son père. Et que même si l'enfant choisit, que son choix ne doit pas être pris en compte, de même que si le tirage au sort a été fait, qu'il ne doit pas être pris en compte, car l'intérêt de l'enfant passe avant tout. Mais lorsque à la fois le père et la mère veulent le bien pour leur enfant, lui veulent une éducation islamique saine et pieuse, et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, dans ce cas, le choix de l'enfant est pris en compte, et s'il n'a pas la possibilité de choisir, alors dans ce cas, le tirage au sort est pris en compte. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants, et parmi eux, Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. C'est clair pour ça? Ensuite, on avait entamé le livre du Hajj, le livre du pèlerinage. On avait tout d'abord donné la définition du pèlerinage, du mot al-Hajj, en arabe qui signifie al-Qasdo, c'est-à-dire al-Qasdo, c'est-à-dire avoir l'intention de vouloir quelque chose, vouloir aller dans un endroit, avoir l'intention de faire quelque chose. Qasada shay, c'est-à-dire qu'il a visé une chose, qu'il a l'intention de faire une chose. Et en islam, Qu'est-ce que signifie Al-Hajj? Qu'est-ce que signifie le pèlerinage? Naam? C'est d'adorer Allah. C'est d'adorer Allah. Par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète. Ahsan. Par des rites qui ont été rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour être plus précis encore, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par des rites qui ont été rapportés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a certains rites du Coran, du Hajj, qui ont été rapportés dans le Coran. Donc il serait plus judicieux et plus précis de dire, ou plus minutieux de dire, que c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des rites qui sont rapportés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé des mérites à la fois, comme salam wa rahmatullah, des mérites à la fois du pèlerinage et de la umrah. À la fois du pèlerinage et de la umrah, on avait cité plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que de la umrah à la umrah, il y a une expiation entre les deux, et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Et on avait dit que le pèlerinage pieux était le pèlerinage qui répondait à quatre conditions. Quelles sont-elles? Non? C'est-à-dire, pour qu'un pèlerinage soit pieux, il faut qu'il remplisse quatre conditions. La première, la rafatha wa la fusuq wa la jidala fil hajj. Ça, c'est la dernière. Aywa, la première condition, qui est la condition, on va dire, universelle dans les adorations, c'est que ce pèlerinage doit être fait avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne vouloir derrière ce pèlerinage que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas le faire pour un intérêt d'ici-bas, ou pour que les gens, pour monter en estime devant les gens, pour que les gens changent son appellation, il appelle Hajj un tel, etc., etc. Il doit le faire avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seconde condition que l'on avait dit, il fallait que ce soit issu d'argent licite. Il faut que l'argent avec lequel il finance son pèlerinage soit un argent licite et non pas un argent illicite. Car s'il utilise un argent illicite, son pèlerinage ne sera pas considéré comme un hajj mabrour, ne sera pas considéré comme un pèlerinage pieux, celui qui a pour récompense que la personne entre au paradis. Et on avait dit que celui qui faisait son pèlerinage avec de l'argent interdit, il y avait deux avis des savants. Naam. Il n'est pas comparable à ce qui fait la prière avec une babane. On a dit qu'il était comparable parmi les avis des savants. En général, certains savants disent que son pèlerinage est nul, et d'autres disent que son pèlerinage est accepté, mais qu'il a fait un péché en finançant ce pèlerinage avec de l'argent illicite. Donc certains savants disent que son pèlerinage est nul, et d'autres disent que son pèlerinage est valide, mais qu'il a commis un péché en le finançant de sources illicites. Et on avait dit que la vie le plus sûr, Allahu a'lam, c'était que son pèlerinage était valide, car l'argent licite n'est pas une des conditions, parmi les conditions du Hajj, mais c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché qui est extérieur à cette adoration. Car l'adoration du Hajj, ce sont des rites bien connus de la religion. Et on avait donné la comparaison. On avait donné un cas similaire pour celui qui prie avec une bague en or. Un homme qui prie avec une bague en or, on avait dit que de porter une bague en or pour un homme, ceci est interdit. Mais un homme qui prie avec une bague en or, en portant une bague en or, est-ce que la validité de sa prière est remise en cause? Non, elle n'est pas remise en cause, car le fait de porter une bague n'est ni une condition, ni un pilier de la prière. Taïb. Ensuite, on avait parlé d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de faire suivre le Hajj et la Umrah, car ce sont deux adorations qui effacent les péchés et effacent la pauvreté Et ce sont deux adorations qui nettoient et purifient des péchés, comme le feu ardent, le feu brûlant, nettoie le fer, nettoie l'or et l'argent. Ensuite, on avait parlé du jugement du pèlerinage. On avait dit que le pèlerinage était obligatoire, c'était même un pilier de l'islam. C'était même le cinquième pilier de l'islam. Et que le pèlerinage est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui est doué de raison, qui est libre et qui a la capacité morale et physique de pouvoir accomplir cette obligation. On avait cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il a été ordonné aux gens de faire le pèlerinage de la maison pour celui qui trouve, pour celui qui a la possibilité d'y parvenir ou d'y aller. مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et on avait expliqué avec détail. Pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée? Pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée la maison d'Allah? Pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée Baytullah? Qui peut me dire rapidement pourquoi? Personne n'était là la semaine dernière? Vous avez honte? Non? C'est pour lui donner de la valeur. Hassan, c'est pour lui donner de la valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il attribue une chose, on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala attribuait deux choses, s'attribuait deux choses, il s'attribue ses noms et attributs et caractères, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit, on dit c'est la vue d'Allah, c'est l'ouïe d'Allah, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit cela car ce sont des caractères et des attributs qui lui appartiennent. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait aussi associer une chose à lui. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala associe une chose à lui, c'est pour montrer la grandeur de cette chose, l'importance de cette chose, et que cette chose est aimée et est sacrée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribuées à lui-même, il y a Baytullah, il y a la Kaaba, mais il y a aussi... Naqatullah dans surat al-Shams, mais il y a aussi al-Masajid, il y a aussi les mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, faman azlamu mimman mana'a masajid Allah, ceux qui interdisent aux gens d'adorer dans les mosquées d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit les mosquées d'Allah pour montrer que les mosquées sont des endroits sacrés et importants chez Allah subhanahu wa ta'ala. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, dans le Coran, la preuve de l'obligation du pèlerinage, mais il est aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait cité le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons qu'Allah azza wa jal a rendu obligatoire pour vous le pèlerinage, alors faites-le. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cette obligation doit être faite tous les ans ou une seule année? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il n'a pas répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit? On a cité ce hadith la semaine dernière ou pas? On n'a pas cité encore. On n'est pas arrivé. On s'est arrêté à l'ayah. Tayyib. Yaqul al-muallif wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Hadithun sahih rawahu Muslim al-Nasa'i. Donc parmi les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'obligation du pèlerinage, il y a le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté et a dit: ô vous les gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage, faites-le, faites ce pèlerinage. Et un homme a dit: devons-nous le faire tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, et l'homme a réitéré sa question trois fois de suite. Il a dit: est-ce que tous les ans, devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu, devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si j'avais dit oui, elle serait obligatoire tous les ans. Si j'avais dit oui, il serait, c'est-à-dire ce pèlerinage, il devait être, si j'avais dit oui, il serait obligatoire tous les ans, wala mastata'tum, et vous ne pourriez pas vous acquitter de cette obligation chaque année. Thumma qal, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dharuni ma taraktukum, laissez-moi avec ce que je vous ai laissé. Yani, épargnez-moi vos questions et contentez-vous de ce que je vous dis. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Car ceux qui vous ont précédé ont connu la perte car ils posaient beaucoup de questions et ne faisaient pas ce que leur prophète leur disait. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Et lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Et lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Donc dans ce hadith, l'obligation du pèlerinage est claire. Lorsque le professeur Hassan a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous le pèlerinage, faites ce pèlerinage. Et dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est autorisé à celui qui est questionné de se taire lorsque il n'a pas de réponse à donner, ou lorsque la réponse n'est pas appropriée, ou lorsque le contexte n'est pas approprié. Qu'il est autorisé à celui à qui l'on pose une question de se taire et de ne pas répondre. D'accord ? Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, lorsqu'on te pose une question, tu n'es pas obligé d'y répondre. Même si tu connais la réponse, si tu vois que le contexte n'est pas propice à cela et que le fait de répondre à cette question va faire plus de mal qu'autre chose, ou comme le professeur Hassan a fait, n'a pas voulu répondre de peur que l'obligation soit véritablement, ou que le pèlerinage soit obligatoire tous les ans. Le professeur Hassan avait peur et il a dit cela dans sa réponse: si j'avais dit oui, eh bien cela serait obligatoire pour vous tous les ans et vous ne pourriez pas. Et ensuite le professeur sallam a dit: laissez-moi, épargnez-moi les questions. Épargnez-moi les questions, c'est-à-dire ne demandez pas trop. Contentez-vous de ce que je vous donne. Mais cela ne doit pas être compris dans le sens que la personne n'a pas le droit de demander sur sa religion. Non, la personne a le droit de demander dans sa religion. Mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une époque où il y avait des révélations. C'était une époque de révélations. Et des questions trop nombreuses pouvaient être une cause qu'un jugement tombe. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère une chose qui peut être difficile pour les musulmans. Et cela est arrivé. Et cela est arrivé dans plusieurs cas. Par exemple, lorsque Laylatul Qadr, la nuit du destin, le professeur Hassan l'a oublié. Pourquoi? Lorsqu'il y avait une dispute dans la mosquée et que les voix se sont élevées, le professeur Hassan a oublié le jour exact dans lequel a lieu Laylatul Qadr. Donc, il ne faut pas comparer l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que des jugements soient légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala à cause des questions trop nombreuses et excessives. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la solution en disant: contentez-vous de ce que je vous donne. Autrement dit, je suis l'envoyé d'Allah, mes paroles sont révélations. Contentez-vous de ce que je vous, de ce que je vous dis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Et lorsque je vous interdis une chose, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites-en et délaissez ce que vous pouvez? Non. Pour l'interdiction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Car il est plus facile de s'abstenir d'une chose que de faire une chose. Il est plus facile de s'abstenir d'une chose que de faire une chose. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des ordres, a restreint ceci en disant selon vos possibilités. Et lorsqu'il a parlé de l'interdiction, c'est-à-dire de s'abstenir des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été catégorique et n'a pas donné d'autre issue que de s'abstenir de ce qu'il a interdit. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. Et le second hadith qui est une preuve de l'obligation du pèlerinage, c'est le hadith de Abdullah ibn Umar qui est connu de tous, où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: l'islam est basé sur cinq: l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad est son envoyé, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage de la maison et de jeûner le ramadan, le mois du ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, l'auteur a parlé de l'obligation, a apporté les preuves de l'obligation, comme cela, de l'obligation du pèlerinage. Et ensuite, il va citer les preuves de l'obligation de la Umrah. De l'obligation de la Umrah. An ibn Abbas, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: hadhihi umratun istamta'na biha, faman lam yakun indahu al-hadi, falyuhilla al-hilla kullah, fa'inna al-umrata qad dakhalat fil hajji ila yawm al-qiyamah. Hadith sahih rawahu Muslim. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette umra, nous avons fait at-tamattu', nous avons fait at-tamattu' avec cette umra. Faman lam yakun 'indahu al-hadi, celui qui n'a pas de bête, falyuhill al-hilla kullah, alors qu'il se libère, autrement dit qu'il sorte de son état de sacralisation, qui sortent de son état de sacralisation. فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, car la umra a été entrée dans le hajj, ou a été associée au pèlerinage, et ceci jusqu'au jour du jugement. Et dans ce hadith, il faut avoir un minimum de connaissances dans le hajj et la umra pour comprendre ce hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de Médine à la Mecque pour faire le pèlerinage, Hajjat al-Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le choix à ses compagnons, soit de faire la Umra en prenant avec eux le Hadi, ou de ne pas le prendre. Le Hadi, c'est-à-dire la bête qu'on égorge. Autrement dit, il y a, on va le voir par la suite, que pour l'ihram, il y a trois sortes d'ihram. Il y a al-tamattu', il y a al-qiran et il y a al-ifrad. Concernant al-tamattu', c'est le fait que le musulman, lorsqu'il arrive au lieu du miqat, et fait al-ihram, c'est-à-dire dit labbayk Allahumma bi'umrah, dit labbayk Allahumma bi'umrah, à partir de ce moment, il devient, ou il est en état de sacralisation. Donc lorsqu'il est en état de sacralisation, pour la umrah, soit il a avec lui une bête, ou soit il n'en a pas. Soit il a avec lui une bête, ou soit il n'en a pas. Si il a une bête avec lui, dans ce cas, il doit rassembler la Umrah et le Hajj. Et s'il n'a pas de bête avec lui, dans ce cas, il doit faire la Umrah, se rendre, yani, enlever l'état de sacralisation, puis, lors des jours de Hajj, de refaire la talbiya du Hajj. C'est clair ou pas? Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ses compagnons. Certains de ses compagnons n'avaient pas de bête avec eux à égorger. Comme cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, avait une bête. Et lorsqu'ils ont fini leur umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceci est une umrah que nous faisons, avec laquelle nous faisons at-tamattu'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit ceci est une umrah avec laquelle nous faisons at-tamattu', le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui, mais des compagnons qui n'avaient pas de bête avec eux. D'accord? Car ceux qui n'avaient pas de bête avec eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, après avoir fait la umrah, enlevez-vous, retirez l'état de sacralisation. C'est-à-dire, l'état de sacralisation part lorsque la personne a fini sa umrah et qu'il a soit rasé son crâne ou soit coupé ses cheveux. À partir de ce moment, il lui est autorisé de faire ce qui est interdit en état de sacralisation. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'est pas sorti de son état de sacralisation. Pourquoi? Car il avait sa bête avec lui. Donc, certains compagnons ont fait at-tamattu', et at-tamattu' signifie le fait de profiter. Profiter de quoi? Profiter de ce moment où la personne n'est plus en état de sacralisation. Car une personne qui n'est plus en état de sacralisation a le droit de porter des vêtements, a le droit de se parfumer, a le droit d'avoir des rapports avec son épouse. Quant à celui qui est en état de sacralisation, il y a beaucoup de choses qui lui sont interdites. Parmi ces choses, de porter des vêtements, de se parfumer, de se couvrir la tête, d'avoir des rapports avec sa femme, etc. Donc c'est appelé at-tamattu', car entre la umra et le hajj, cette personne profite de cet état où il n'est pas en état de sacralisation. De toute façon, il y a tous ces détails de at-tamattu', al-ifrad, al-qiran, on va les citer par la suite, inshallah, mais c'est seulement pour vous donner une explication pour que vous compreniez un peu mieux ce hadith. Et donc le professeur Hassan a dit, cette umrah, c'est une umrah que nous avons fait, ou que nous avons utilisé en faisant at-tamattu'. Donc on a dit que le professeur Hassan ne parlait pas de lui, mais des compagnons qui n'avaient pas de bête avec eux. فَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيُحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ. Celui qui n'a pas de bête avec lui, qu'il sorte entièrement de son état de sacralisation. فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ. Car la umrah est associée au pèlerinage, et ceci jusqu'au jour du jugement. Où est-ce qu'on en déduit l'obligation de l'umrah ici? Dans ce hadith? Là, à la fin du hadith, lorsque le professeur Hassan a dit que la umrah est entrée dans le pèlerinage, que la umrah fait partie du pèlerinage. Or, le pèlerinage est obligatoire, donc la umrah l'est aussi. Et un autre hadith, An Sabi ibn Ma'bid, قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال هديت لسنة نبيك. Et selon Sabi ibn Ma'bad, il dit: je suis parti voir Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه et je lui ai dit: ô guide des croyants, je me suis converti et j'ai vu que le pèlerinage ainsi que la umrah était obligatoire pour moi, alors je me suis empressé de les accomplir. Et Omar al-Khattab radiallahu anhu lui a dit: tu as été guidé vers la sunna de ton prophète. Hadith authentique rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. La preuve que la umra est obligatoire ici, c'est وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنَ. Lorsque As-Sabi ibn Ma'bid a dit à Omar al-Khattab: j'ai vu que le pèlerinage et la umra étaient pour moi obligatoires. Et Omar al-Khattab ne l'a pas repris dans cela. Et Omar al-Khattab fait partie des califes bien guidés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suivez ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Il y a une divergence des savants à ce sujet concernant le jugement de la Umrah. Certains savants disent que la Umrah est une sunna, n'est pas obligatoire, et d'autres disent que la Umrah est obligatoire. Et d'autres disent que la Umrah est obligatoire. Et l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est que la Umrah est obligatoire. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Et à notre époque, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh Al-Fawzan et de beaucoup d'autres qui considèrent que la Umrah est obligatoire. Et ils ont dans cela, ils apportent comme preuve beaucoup de choses. Parmi les preuves qu'ils apportent, il y a une version du hadith de Jibril, une version authentique rapportée par Ibn Khuzaymah, où le Jibril alayhi salam a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les piliers de l'islam. Et dans cette version d'Ibn Khuzaymah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « وَأَنْتَ حُجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرْ » et de faire le pèlerinage de la maison et de faire la Umrah. Et de faire la Umrah. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme ou à un homme qui est venu le voir pour l'informer que son père ne pouvait pas faire le pèlerinage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hujja an abika wa atamir » fais le pèlerinage pour ton père ainsi que la Umrah. Et parmi également leurs preuves, il y a le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Aïcha radiyallahu anha, en parlant des femmes, alaykunna jihad la qitala fih, alaykunna jihad la qitala fih, vous avez, ou plutôt il vous a été prescrit un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al hajj wal umrah, le hajj et la umrah. Et la preuve que cela est obligatoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykunna, ceci est une preuve que c'est obligatoire, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa lillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Lorsque le mot ala est utilisé, c'est pour appuyer l'obligation. Et les autres savants utilisent un hadith que beaucoup ont jugé faible et qui n'est pas pris donc en compte. Et ils ont répondu au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa atimmul hajj wal umrah lillah » car les savants qui disent que c'est obligatoire utilisent parmi les preuves le verset subhanahu wa ta'ala dit « Et accomplissez le le pèlerinage et la Umrah pour Allah. » Et ils ont, les savants qui disent que ce n'est pas obligatoire ont répondu que ici Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa atimmu, c'est-à-dire terminer le pèlerinage et la Umrah, c'est-à-dire que lorsque vous les avez entamés, il vous est obligatoire de les terminer. Mais comme je l'ai dit, les autres preuves, les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont beaucoup plus, la preuve est beaucoup plus évidente, et comme je l'ai dit, c'est l'avis de la plupart des savants. Le pèlerinage de l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ainsi que de l'esclave. La yajibu al-hajj 'ala as-sabi wal-majnun liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam rufi'a al-qalam 'an thalatha 'an al-majnun hatta yafiq wa 'an an-na'im hatta yastayqidh wa 'an as-sabi hatta yahtalim. Donc le pèlerinage n'est pas obligatoire envers l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté, et le fou. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume est levée sur trois, sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. ولا يجب على العبد لأنه غير مستطيع لانشغاله بخدمة سيده. Et le pèlerinage n'est pas obligatoire pour l'esclave car il n'a pas la possibilité de l'accomplir, étant donné qu'il doit être au service de son maître. وَإِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ أَوِ الْعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُمَا وَلَا يُجْزِئُهُمَا عَنِ الْفَرِيضَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ. Et lorsque l'enfant ou l'esclave font leur pèlerinage est valide et authentique, mais il ne compense pas le pèlerinage obligatoire. Car lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté, ou lorsque l'esclave est affranchi par la suite, ils doivent s'acquitter du hajj obligatoire, le hajj de l'islam. Donc, s'ils font le pèlerinage, leur pèlerinage est valide, mais ce pèlerinage n'acquitte pas le pèlerinage obligatoire, le pèlerinage de l'islam. C'est clair ? وعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. Et عبد الله بن عباس رضي الله عنه a dit qu'une femme a montré en levant, a montré au prophète صلى الله عليه وسلم son enfant en le levant et a dit au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que pour lui il y a un pèlerinage? Autrement dit, est-ce que le pèlerinage de cet enfant est valide? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit na'am, oui, walakil ajr, et tu as une récompense, et tu auras une récompense. Wa anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alayhi hajjatun ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiq fa alayhi hajjatun ukhra. Hadith sahih rawahu al-Bayhaqi. Il y a un autre hadith beaucoup plus explicite, le hadith d'Abdullah ibn Abbas également, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout enfant qui a déjà fait son pèlerinage, puis atteint l'âge de la puberté, doit refaire un autre pèlerinage. Et tout esclave qui a fait son pèlerinage, puis a été affranchi, doit refaire un autre pèlerinage. » Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi. « Ma hiya l'istita'a » Qu'est-ce que la possibilité? Lorsque l'on parle du pèlerinage et qu'il est obligatoire pour celui qui en a la possibilité, qu'est-ce que cette possibilité? الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته وبأمن الطريق. Donc, la possibilité est réelle, elle est présente lorsque la personne est en bonne santé et lorsque la personne a en sa possession une somme d'argent ou des biens qui vont lui permettre ou qui lui permettront de partir et de revenir, et également les biens qu'il a en sa possession doivent lui permettre de subvenir à ses besoins durant ce pèlerinage, mais également de subvenir aux besoins de ceux à qui il doit, pour qui c'est une obligation pour lui de subvenir à leurs besoins. Autrement dit, sa famille. Et que la route soit saine, que la route soit sûre, qu'il n'y ait pas de danger dans la route. Donc il y a trois conditions. La première, d'être en bonne santé, d'avoir une santé qui te permet de pouvoir faire ton pèlerinage. La deuxième condition, d'avoir la capacité financière qui te permet de partir et de revenir. À notre époque, c'est de pouvoir payer son billet d'avion. Et également d'avoir de l'argent qui te permet de subvenir à tes besoins là-bas. Les besoins là-bas, c'est-à-dire de te loger et de te nourrir, mais également d'avoir des biens qui te permettent, en payant ton billet d'avion et en subvenant à tes besoins là-bas, de laisser à ta famille de quoi subvenir à leurs besoins. Car subvenir aux besoins de sa famille est une obligation pour l'homme, pour le mari. C'est une obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Si tu n'as pas la possibilité de payer ton billet d'avion, ou si tu as la possibilité de payer ton billet d'avion mais que tu n'as pas la possibilité de subvenir à tes besoins là-bas, ou si tu as la possibilité de payer ton billet d'avion, de subvenir à tes besoins là-bas mais de laisser ta famille dans le besoin, dans ces trois cas, tu n'es pas considéré comme étant apte à faire ton pèlerinage. Et il faut que la route soit sûre, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas par exemple de voleurs si le voyage se fait par la route, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas d'intempéries qui peuvent s'avérer dangereuses, à la kulihal que le trajet doit se faire en toute sûreté. وأما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حج عنه حديث متفق عليه. Donc la preuve, tout d'abord que parmi les conditions, lorsque l'on parle de la possibilité ou de la capacité, il y a la capacité physique. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit qu'une femme de Khath'am, et Khath'am c'est une tribu qui est située pas loin de Ta'if, dans le sud de l'Arabie, à notre époque. Qalat ya Rasulallah, elle a dit, ô envoyé d'Allah, mon père s'est vu l'obligation d'Allah d'accomplir son pèlerinage lorsqu'il a atteint un âge avancé. Son père a eu l'obligation du pèlerinage, c'est-à-dire qu'il a eu les possibilités financières et que la route était sûre qu'au moment où il avait atteint un âge avancé. Il était très vieux. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pèlerinage était pour lui obligatoire. Avant, non. Et elle a demandé au professeur sallam et a dit au professeur sallam que vu son âge avancé, il ne peut plus monter sur un chameau, sur une monture qui lui permettrait d'accomplir son pèlerinage. Elle a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que je peux faire le pèlerinage pour lui? Et il a répondu, hujji anhu, fais le pèlerinage pour lui. Donc les savants l'ont déduit de ce hadith que celui qui a l'argent, que celui qui a les possibilités financières et que la route est sûre et qu'il n'y a pas de danger, mais n'a pas les possibilités physiques, n'a pas les capacités physiques pour accomplir son pèlerinage, qu'il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour le faire. Qu'il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour le faire. À condition, et ceci est autorisé dans deux cas, si c'est un vieillard qui ne connaîtra plus sa jeunesse, ou si c'est un malade qui est atteint d'une maladie incurable. Dans ces deux cas, s'il a la possibilité financière mais n'a pas la possibilité physique, dans ce cas, il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour faire le pèlerinage à sa place. Et dans ce hadith, il y a aussi une preuve qu'une femme peut faire le pèlerinage pour un homme. Qu'une femme peut faire le pèlerinage pour un homme, et de même qu'un homme peut faire le pèlerinage pour une femme. وَأَمَّا مُلْكُ مَا يَكْفِيهِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتْ حديث صحيح رواه أبو داود. Et quant à la preuve que d'avoir la capacité financière, c'est-à-dire de subvenir à ses besoins et de subvenir aux besoins de sa famille pendant ce pèlerinage, la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique raconté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour faire du mal ou pour faire un péché, il suffit à l'homme de délaisser ceux dont il a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Pour qu'un homme fasse un péché, il lui suffit de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Autrement dit, subvenir aux besoins de sa famille est une obligation. Et celui qui délaisse cela a fait un péché et aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَا اشْتِرَاطُ الْأَمْنِ فَلِأَنَّ إِجَابَ الْحَجِّ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ ضَرَرٌ وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا. Et quant à la condition que le trajet doit être sécurisé et doit être exempt de danger, c'est le fait que si on obligeait cela, c'est-à-dire que on obligerait aux gens de faire le pèlerinage en subissant un mal, en subissant un mal, en se faisant du mal à soi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La darara wa la dirar ». Ne faites pas de mal à vous-même et ne faites pas de mal à autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah ». Et ne jetez pas vos personnes dans la perte ou à la perte. Et lorsque tu es devant un danger, tu ne dois pas aller vers ce danger-là. Tu dois le fuir. Tu ne dois pas exposer ta personne à un danger et te mettre en péril. Cela n'est pas autorisé en islam. Donc il y a donc quatre cas. Il y a la personne qui a la capacité, et ici dans tous les cas on prend, il y a la personne qui a la capacité financière, la capacité physique, et le chemin ou le trajet est sécurisé. Pour lui, le pèlerinage est obligatoire, mais plus que ça, il doit le faire lui-même. Il a la possibilité physique et la possibilité, la capacité financière, il doit faire le pèlerinage lui-même. Il y a le deuxième cas où il a la possibilité financière mais n'a pas la possibilité physique. Dans ce cas, si c'est à cause d'une vieillesse ou si c'est à cause d'une maladie incurable, il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour accomplir le pèlerinage. La récompense de celui qui fait à sa place. Allahu a'lam. Allah a'lam, je ne sais pas. Il y a le troisième cas, Naam. Est-ce qu'il est obligé de léguer quelqu'un? Il est obligé de léguer quelqu'un. Il est obligé, Naam. Et le troisième cas, c'est la personne qui a la possibilité physique, mais n'a pas la capacité financière. Dans ce cas, le pèlerinage, pour lui, n'est pas obligatoire. Et il y a la personne qui a ni la possibilité physique, ni la possibilité financière. Dans ce cas, le pèlerinage n'est pas pour lui obligatoire. Non. Concernant la personne qui est morte sans avoir fait son pèlerinage, les savants séparent deux cas. Est-ce que la personne n'a pas fait son pèlerinage par délaissement de sa part, ou est-ce que la personne n'a pas fait son pèlerinage car elle n'avait jamais eu la possibilité de le faire? Si c'est le premier cas, si c'était une personne qui avait les conditions remplies pour faire le pèlerinage et que le pèlerinage était pour lui une obligation mais ne l'a pas fait, les savants disent que, la plupart des savants disent que cela est autorisé, mais d'autres disent que cela n'est pas autorisé. Et parmi eux, Imam Ibn al-Qayyim, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh al-Albani, rahimahullah, eux disent qu'il ne faut pas faire le pèlerinage pour cette personne, car il a fait un péché devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis une erreur et il doit rendre compte de son erreur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le deuxième cas, si la personne n'a pas accompli le pèlerinage car tout simplement elle n'a jamais eu la possibilité de le faire. Dans ce cas, il est autorisé de faire le pèlerinage pour lui. Allah a'lam. Taïb. حج المرأة إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجال تماما إلا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم فإن لم تجد فليست مستطيعة ف فعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. حديث متفق عليه. Concernant le pèlerinage de la femme, lorsque les conditions précédemment citées ont été réunies et accomplies, concernant une femme, il lui est alors, elle aussi, obligatoire d'accomplir son pèlerinage comme pour les hommes, sauf, si ce n'est une condition en plus qui est propre aux femmes, et ceci, c'est qu'elle doit être accompagnée soit de son mari ou soit d'un mahram. Et si elle ne trouve pas, si elle n'a pas de mari, ou si elle ne trouve pas de mahram qui puisse l'accompagner, alors elle est considérée, falaysat mustati'a, elle n'est pas considérée comme étant capable islamiquement de faire son pèlerinage. Donc parmi les trois conditions que l'on a citées, il faut rajouter une quatrième pour les femmes, qui est qu'elle doit être accompagnée d'un de ses mahrams, de son mari ou de son mahram, et que si elle ne trouve pas, car beaucoup disent mais je n'ai personne avec qui, je n'ai personne qui puisse m'accompagner, dans ce cas nous lui disons la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité, et tu es considéré comme étant une personne qui n'est pas qui n'a pas la possibilité et la capacité de faire son pèlerinage. Non. Non, concernant une femme qui fait son pèlerinage sans mahram, qui malgré ce jugement veut faire absolument son pèlerinage en faisant ce péché, qu'Allah nous en préserve, son pèlerinage est valide. Son pèlerinage est valide. Et pourquoi? Ce n'est pas une condition du pèlerinage. Ce n'est pas un pilier ou une condition du pèlerinage. D'accord? C'est un acte, une condition qui est extérieure au pèlerinage. C'est une condition pour la possibilité, la capacité. Mais ce n'est pas une condition pour la validité du pèlerinage. C'est exactement comme le cas qu'on avait cité précédemment sur celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite. Il a commis un péché, mais la validité de son pèlerinage n'est pas remise en cause. La preuve de cela est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'un homme ne reste pas tête à tête avec une femme sauf si elle est avec un de ses mahrams. Et on avait cité cela dans le livre du mariage, les hommes qui sont des mahrams pour les femmes. On avait cité que c'était des hommes avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Et on avait cité les différentes causes qu'une femme n'a pas le droit de se marier avec un homme. وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. Et qu'une femme ne voyage pas sauf avec un de ses mahrams. فَقَامَ رَجُلٌ. Et un homme s'est levé et a dit: ô envoyé d'Allah, ma femme est partie faire son pèlerinage. Ma femme est partie faire son pèlerinage. Il a dit au prophète, ma femme est déjà partie sans moi. Elle est partie seule, sans mahram, avec elle. Et moi, on m'a désigné pour participer à telle bataille. Et le prophète lui a dit: entaliq fa hujja ma'a imra'atik. Pars et va accomplir ton pèlerinage avec ta femme. Va rejoindre ta femme et va accomplir le pèlerinage en sa compagnie. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si cela était autorisé, qu'est-ce que le prophète Hassan aurait dit à ce compagnon? Va, fais ton devoir et va participer à la bataille dans laquelle tu as été désigné. Al-Hajj al-Fawr. Wa yajibu ala man istata' al-mubadara bil-Hajj. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. حديث صحيح رواه ابن ماجه. Et le pèlerinage est obligatoire sur le champ. Le pèlerinage est obligatoire sur le champ. L'auteur dit qu'il est obligatoire pour celui qui a la possibilité d'accomplir son pèlerinage, d'accourir et de se précipiter à l'accomplir. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui désire faire le pèlerinage, qu'il avance, et qu'il fasse ce pèlerinage dès qu'il le peut, le plus vite possible. Qu'il le fasse le plus vite possible. فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيدِ Car, قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيدِ C'est-à-dire qu'un malade peut tomber malade. C'est-à-dire que celui à qui Allah Azza wa Jalla a destiné ou a prescrit une maladie, eh bien, il sera malade. Autrement dit, que celui qui a la possibilité de faire le pèlerinage, qu'il le fasse au plus vite, car il peut être atteint d'une maladie. Ou attendez le dal, et sa monture peut se perdre. Il peut perdre sa monture. Car à l'époque, il voyageait en chameau. Et celui qui avait une chamelle en sa possession pouvait la perdre. Il pouvait perdre cette monture et ne plus pouvoir faire son pèlerinage par la suite, sachant que les chamelles coûtaient cher au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout lorsqu'un chameau se sauve, il est presque impossible de le retrouver, car un chameau lorsqu'il se sauve, il court, il ne s'arrête pas, et les chameaux sont des animaux qui sont très résistants et qui surtout lorsqu'ils se sauvent accélèrent le pas, et ils peuvent courir et aller des jours et des jours. Et il peut être atteint d'un besoin qui va faire en sorte de dépenser de l'argent pour subvenir à ce besoin et ne plus pouvoir faire son pèlerinage. Donc trois cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités, ou trois arguments qui doivent encourager le musulman à faire son pèlerinage lorsqu'il en a la possibilité, le plus vite possible, car il peut tomber malade, il peut ne plus avoir de moyens de transport, autrement dit à notre époque ça peut être il ne peut ne plus avoir la possibilité de payer son billet d'avion, et de même qu'il peut être atteint d'un besoin imminent qui fera en sorte qu'il devra dépenser de l'argent en conséquence. طيب يقول المؤلف المواقيت المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. Donc المواقيت en arabe c'est le pluriel de ميقات, comme مواعيد c'est le pluriel de ميعاد. مواعيد c'est quoi? مواعيد c'est les rendez-vous, et c'est le pluriel du mot le rendez-vous. كميعاد كمواعيد وميعاد. Et c'est aussi une promesse. والله لا يخلف الميعاد. Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Donc c'est plus promesse que rendez-vous. Mawa'id, jam'u mi'ad, parce que le rendez-vous c'est mawa'id. Le rendez-vous c'est mawa'id. Donc mawa'id c'est le pluriel de promesse en arabe, et le singulier de promesse en arabe c'est mi'ad. Donc c'est pas rendez-vous mais c'est promesse. Wa hiya mawaqitun zamaniyya wa mawaqitun makaniyya. Et al-miqat ce sont des lieux ou des laps de temps. En islam, ce sont des lieux, des endroits précis, ou bien des laps de temps. Al-mawaqit az-zamaniyya. Donc l'auteur commence par le chapitre des laps de temps. Al-mawaqit az-zamaniyya. C'est-à-dire des laps de temps qui ont été définis dans la religion. Des laps de temps qui ont été définis dans la religion, de même que les endroits, ce sont des endroits qui ont été définis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini dans la religion pour dans le cadre du pèlerinage. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il t'interroge Il parle à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, c'est-à-dire réponds au Muhammad, elles sont aux gens, elles servent aux gens pour compter le temps, mais aussi pour le hajj. Donc les nouvelles lunes permettent aux gens de se repérer dans le temps, de savoir lorsque le mois entre et lorsqu'il sort. Et c'est aussi un moyen pour les gens de connaître le hajj, de connaître les mois du hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, et le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés. Dans des mois bien déterminés et bien définis. Donc, dans ces deux versets, il y a bien une preuve que le pèlerinage a lieu pendant un moment bien défini, bien précis. On ne fait pas le pèlerinage quand on veut. Le pèlerinage est restreint et doit être fait dans une période bien définie. Et donc, cette période a été citée globalement dans le Coran et elle a été citée plus dans les détails dans les paroles des compagnons radiallahu anhum. قال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. Ibn Umar radiallahu anhu a dit, les mois du Hajj sont Shawwal, sont Dhul Qi'dah et sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Sahih al-Isnad, c'est une parole authentique rapportée par Al-Bukhari. Et concernant la parole d'Ibn Umar radiallahu anhu, lorsqu'il dit Al-Hajju, Ashhur al-Hajj, les mois du Hajj sont Shawwal, sont Dhul Qi'dah, on peut dire aussi Dhul Qa'dah, on peut dire Dhul Qi'dah ou Dhul Qa'dah, ou Ashri min Dhil Hijjah, et pareil, Dhil Hijjah, on peut dire Dhil Hijjah ou Dhil Hijjah. Concernant la dernière partie, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhil Hijjah, yani, certains savants prennent en compte cela et d'autres disent que ce n'est pas les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, mais c'est le mois entier de Dhul Hijjah. C'est le mois entier de Dhul Hijjah. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, et c'est l'avis à notre époque de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et leur preuve, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le pèlerinage, ce sont des mois bien définis. Et ma'lumat, c'est le jam' de le jam' mu'annat de ma'loum, c'est le pluriel de ma'loum, le pluriel féminin de ma'loum. Or, en arabe, le pluriel, le minimum est de, en français c'est, le pluriel c'est, le minimum est de 2, mais en arabe, ce n'est qu'à partir de 3 que l'on parle de pluriel. Lorsqu'on parle de deux, on parle de duel et non pas de pluriel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le Hajj, ce sont des mois bien définis en parlant au pluriel. Donc les mois sont au minimum de 3. Ils comportent donc Shawwal, ils comportent aussi Dhul Qi'dah ou Dhul Qa'dah, mais ils comportent aussi Dhul Hijjah. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, cite d'autres arguments. Il dit que pour le Hajj, il y a des rites du pèlerinage qui sont faits après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le 11e jour de Dhul Hijjah, il y a parmi les rites du Hajj, il y a l'ayam al-tashriq, il y a le rami al-jimar, il y a la lapidation des stèles. Il y a des rites qui sont à faire après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ces rites-là doivent être faits pendant les mois du Hajj. Donc, on en déduit que le mois du Hajj, que Dhul Hijjah est un mois du Hajj dans sa totalité et non pas les 10 premiers. Wallahu a'lam. C'est-à-dire, même pour Tawaf al-Wada', on peut attendre la fin du mois de Dhul Hijjah pour la personne qui compte partir. Et le Tawaf al-Wada' ne fait pas partie de la Umrah, ni du Hajj. Le tawaf al-wada', c'est un acte que le musulman fait pour lorsqu'il quitte la Mecque. Même s'il quitte la Mecque yani, 3 ans après, et qu'il a fait son hajj 3 ans avant, et qu'il ne quitte la Mecque que 3 ans après, il doit faire le tawaf al-wada', il doit faire le tawaf d'adieu. Donc le tawaf d'adieu n'est pas lié au hajj, c'est une adoration à part entière. طيب وعن ابن وقال ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. Donc ابن عباس رضي الله عنه dit fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit faire al-ihram, c'est-à-dire entrer en état de sacralisation, soit pour faire le hajj, ou pour faire le hajj et la umra ensemble, l'état de sacralisation pour le hajj ne doit être fait que dans les mois du hajj, d'où le fait que l'on parle de laps de temps bien déterminé pour le pèlerinage. Le pèlerinage est restreint, ou l'ihram doit être fait dans un temps bien précis, c'est-à-dire pendant les mois du pèlerinage, qui sont Shawwal, Dhul-Qi'dah et Dhul-Hijjah. Donc par exemple, si un musulman part le premier de Shawwal et fait l'ihram avec l'intention de fait l'ihram de la umrah, mais avec l'intention de faire le hajj. Il fait sa umrah en arrivant à la Mecque et reste à la Mecque jusqu'au 8e jour de Dhul-Hijjah, où là il va faire l'ihram pour le hajj. Donc durant toute cette période, lorsque le pèlerinage arrivera, il n'aura à faire que l'ihram du hajj. D'accord ? Comme la plupart des gens, lorsqu'ils vont faire le pèlerinage, la plupart à notre époque font al-tamattu', en tout cas ceux qui partent d'Europe, en général ils arrivent 2 semaines avant, voire 1 semaine avant. Ils font leur umrah, ils attendent 1 semaine ou 2, puis font leur hajj. Ils peuvent aussi partir au mois de Shawwal et attendre toute cette période, attendre toute la période entre Shawwal et le 8e jour de Dhul-Hijjah. Al-Mawaqit al-Makaniyah. Donc les endroits bien précis, les endroits bien précis dans lesquels le musulman, lorsqu'il veut faire son pèlerinage ou sa umra, doit être en état de sacralisation avant de traverser ces endroits-là. Donc l'ihram est restreint par des endroits. Tu ne le fais pas à n'importe quel moment, tu dois le faire dans les mois afouen du pèlerinage, mais également tu dois respecter des endroits que tu ne dois pas dépasser. Si tu as l'intention de faire la umra ou le hajj, tu ne dois pas dépasser ces endroits sans être en état d'ihram, en état de sacralisation. Ali ibn Abbas قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. نشر عبد الله بن عباس رضي الله عنه il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a défini pour les gens de Médine Dhul-Hulayfa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini comme miqat. Et al-miqat, c'est cet endroit que le musulman qui a l'intention de faire la umra ou le hajj ne doit pas dépasser sans être en état de sacralisation. C'est ce qu'on appelle al-miqat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le miqat pour les gens de Médine comme étant Dhul-Hulayfa. Dhul-Hulayfa, qui est appelé à notre époque Abyar Ali, qui est appelé à notre époque Abyar Ali. Et c'est un endroit qui est situé à une dizaine de kilomètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un endroit qui est situé à peu près 430 kilomètres de la Mecque. C'est Demiqat, celui qui est le plus loin de la Mecque. Dhul Hulayfa, c'est la station qui est la plus lointaine de la Mecque. Et elle est appelée Dhul Hulayfa car c'est un endroit où il y a beaucoup d'arbres appelés Hilfa. Hilfa, c'est le singulier de yani afwan Dhul Hulayfa. Le Hulayfa, c'est le, comment dire, c'est le tasrir de Hilfa. C'est le tasrir de Hilfa. Je sais pas comment dire tasrir. C'est un diminutif, non. C'est un diminutif de Hilfa. Hulayfa, c'est un diminutif de Hilfa. Et Hilfa, c'est une plante connue à Médine. Et justement, cet endroit est un endroit où ces plantes poussent de façon abondante, d'où le fait que cet endroit a été appelé par le professeur sallam Dhul Hulayfa, c'est-à-dire l'endroit où il y a beaucoup de Hilfa. Et pour les gens qui viennent du Sham, le miqat c'est Al-Juhfa. C'est Al-Juhfa. Et Al-Juhfa, c'est un endroit qui n'existe plus, c'est un terrain vague à notre époque. C'est un terrain vague à notre époque, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une épidémie de fièvre à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation et a demandé à Allah azza wa jal de transférer cette épidémie et de la faire sortir de Médine vers Al-Juhfa. Vers Al-Juhfa. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique apporté par Al-Bukhari, a dit: j'ai vu en rêve une femme noire qui avait des cheveux ébouriffés et qui laissait sortir une odeur nauséabonde, qui sortait de Médine pour se diriger vers Al-Juhfa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fa'awwaltuha waba'an bil madinati nuqila ila Al-Juhfa, ou comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et j'interprète ce rêve comme étant l'épidémie de fièvre qui était à Médine et qui s'est déplacée vers Al-Juhfa. Al-Juhfa, c'est un endroit, comme je dis, qui est un terrain vague à notre époque, qui a été atteint par les pluies, par les rivières, etc. Et la terre a été corrosée. Et les gens ne l'ont plus pris comme miqat, mais ont pris comme miqat Rabir. Ont pris comme miqat Rabir, qui est l'endroit où les gens prennent comme miqat à notre époque. Et Al-Juhfa, c'est un miqat qui est situé au nord de la Mecque, à peu près à 180 km de la Mecque, au nord. Il est sur la côte, quasiment, il n'est pas très loin de la côte, d'où le fait que c'est le miqat des gens de Shem, des gens du Shem, c'est-à-dire des habitants de Palestine, de Syrie, de Jordanie, etc. Et tous ceux qui viennent de cette région, ils doivent, lorsqu'ils veulent faire le pèlerinage et qu'ils se dirigent directement à la Mecque, ils doivent faire l'ihram, ils doivent faire leur état de sacralisation à Rabir, appelé Al-Juhfa, anciennement Al-Juhfa, mais actuellement Al-Rabir. Donc je ne sais pas si vous voyez la carte de l'Arabie, Jeddah, vous voyez Jeddah qui est sur la côte, vous montez plus haut, à peu près 180 km, sur la côte quasiment, vous avez le miqat appelé Al-Juhfa, l'ancien Al-Juhfa est actuellement Rarib, ou Rabir, afwan. Rabir. Wa li ahli Najd qarn al-manazil. Et pour les gens de Najd, le miqat est appelé Qarnul Manazil. Et aujourd'hui, à notre époque, il est appelé As-Saylul Kabir. À notre époque, c'est un miqat qui est appelé As-Saylul Kabir. Et ce miqat est situé à l'est, plutôt au sud-est de Mecca. La région de Najd, c'est la région de l'est de l'Arabie. C'est la région de l'est de l'Arabie qui est appelée Najd. ولأهل اليمن يلملم ولأهل اليمن يلملم. Et pour les gens du Yémen, le miqat est appelé yalamlam. Concernant Qarnul Manazil, il est situé à peu près 80 km. 80 km يعني à l'est, plus vers le sud que le nord de la Mecque. Et Yalamlam, et lui, le miqat des gens du Yémen. Le Yémen qui est situé au sud de l'Arabie, donc le miqat est obligatoirement au sud de Mecca. Et il est au sud de Mecca, à une centaine de kilomètres en dessous de Mecca. Il est légèrement décalé vers l'est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَقَالَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ هُنَّ لَهُنَّ, c'est-à-dire elles sont pour eux. Si on traduit littéralement, elles sont pour eux, c'est-à-dire que les mawaqit, les endroits bien précis que l'on a cités, sont pour les pays concernés ou pour les régions concernées. هن أي المواقيت لهن أي للبلدان ولمن أتى عليهن من غيرهن. Et de ceux qui passent par ces endroits, même s'ils ne font pas partie des pays associés. Autrement dit, ceux qui viennent de Shem, quelqu'un qui vient de Jordanie par exemple, et qui, avant d'aller à la Mecque, veut passer par Médine. On a dit que Dhul Hulaifa, c'est le miqat de qui? Des gens de Médine. C'est le miqat des gens de Médine. Celui qui vient de Jordanie, son miqat, c'est où? C'est Al-Juhfa ou Rabir. C'est Rabir. Un Jordanien qui va à Médine. Une fois son séjour à Médine terminé, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il fait à l'Ihram de Dhul Hulaifa ou est-ce qu'il doit aller à Rabir? Il le fait à Dhul Hulaifa. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ, et celui qui passe par ces endroits sans faire partie des gens ou des pays associés, sans faire partie des habitants de ces pays concernés. C'est clair? C'est sûr? طيب. Mimman arad al-hajj wal-umra. Et ceci pour celui qui veut faire le hajj ou la umra. Donc, il est interdit de dépasser le miqat pour celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la umra. Quant à celui, par exemple, qui est à Médine et qui veut aller à la Mecque, mais pour aller visiter quelqu'un, ou parce qu'il a une affaire là-bas à faire, ou parce qu'il a peu importe, mais il n'a pas l'intention ni de faire la Umrah ni de faire le Hajj, est-ce qu'il a le droit de traverser Dhul Hulaifa sans être en état de sacralisation? Oui, car le prophète sallam a dit liman arada al-hajj aw al-umrah, pour celui qui veut faire le pèlerinage ou la Umrah. Naam. Et quand tu viens directement d'Europe, tu vas à Mecca. Naam, ça j'ai oublié de le dire. Concernant le Rabir, anciennement Al-Juhfa, c'est le miqat, comme on l'a dit, de Ahl al-Sham, mais c'est aussi le miqat de Misr. C'est aussi le miqat de l'Égypte, mais c'est aussi le miqat des gens du Maghreb. De l'Ouest, quoi. Non, c'est en gros, c'est le miqat de tous ceux qui viennent de l'ouest. Non, de tous ceux qui viennent au-dessus de l'Afrique à l'ouest. Non, le Soudan, la Somalie, ça dépend par où ils viennent, quel moyen de transport ils utilisent. Ils peuvent venir par Rabir ou bien par Yalamlam. Ou bien par Yalamlam. Mais quant à nous, en Europe ou le Maroc, l'Égypte, etc., leur miqat c'est Rabir. Et Rabir, il est au-dessus de Jeddah. Il est à peu près, comme je l'ai dit, il est à 180 km au-dessus de Mecca. Donc il est à peu près à une centaine de kilomètres de Jeddah. Ils prennent l'avion. Non. Ils arrivent au moment et puis. Ils arrivent au moment. Et ceux qui viennent dans l'avion, et ceux qui viennent par avion, ils ne sont pas obligés de passer juste au-dessus. Il suffit de passer à proximité. Parce que, on ne peut pas obliger aux gens de passer exactement à cet endroit. Et Inch'Allah, on va voir ça par la suite. Car au temps de Omar al-Khattab, des personnes étaient venues d'Irak. Et on va voir que le miqat des gens de l'Irak, c'est Zatu Irq. Cela leur faisait un détour immense de passer par ce miqat-là. Et Omar al-Khattab leur a autorisé de passer à proximité, de s'en rapprocher le plus possible. Non. Les gens du Mali, c'est Rabir. Tout le Maghreb est en dessous, c'est Rabir. Après, tout ce qui est vraiment le sud, ceux qui viennent par le sud, ils passent par Yalamlam. Non. Puis le professeur Hassan m'a dit وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأْ. Et celui qui est en dehors de ces zones, eh bien, il fait l'ihram de là où il est. Je ne sais pas si vous vous situez un petit peu. Vous avez la Mecque. Non, ça va être à l'inverse. Et vous avez Mecca. Au-dessus, vous avez Al-Juhfa. Ici, vous avez Dhul Hulayfa. Ici, vous avez Qarun al-Manazil. Et là, vous avez Yalamlam. À l'intérieur, cette espèce de triangle, c'est la zone de ceux qui, des habitants qui sont avant le miqat. Et ceux-là, le professeur Hassan a dit وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَى. Et celui qui est en dessous, à l'intérieur de cet axe-là ou de cette zone-là, c'est-à-dire avant, entre Mecca et le miqat, celui qui habite entre Mecca et le miqat, eh bien, il fait l'ihram de chez lui. Par exemple, on a vu que Al-Juhfa, plutôt que Jedda, était entre la Mecque et Al-Juhfa. On avait dit que Al-Juhfa ou Rabir était à 180 km au nord de la Mecque, mais en suivant la côte, c'est-à-dire au-dessus de Jedda. Donc Jedda est une ville qui est située entre la Mecque et le Miqat. Donc les gens de Jeddah, lorsqu'ils veulent faire le pèlerinage, ou lorsqu'ils veulent faire la Umrah, ils font directement de chez eux. Ils font les haram directement de chez eux. Et de même pour tous ceux qui habitent dans cette zone, la règle c'est que tous ceux qui habitent entre la Mecque et le Miqat, lorsqu'ils font les haram, que ce soit pour le Hajj ou pour la Umrah, ils le font de chez eux. حتى أهل مكة من مكة. Et le professeur Hassan m'a dit, et même les gens de la Mecque, ils font leur ihram de la Mecque. Même les gens de la Mecque, les Mekkois, font leur ihram de la Mecque. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وعن عائشة إلى l'autre hadith, donc là, les mawaqit, les endroits bien définis, les stations de miqat, sont au nombre de 5. On en a cité combien déjà? On a cité 4. On a cité Dhul Hulayfa, qui est le miqat des gens de Médine. On a cité Al-Juhfa, qui est au jour d'aujourd'hui Rabir, qui est le miqat de Ahl al-Sham, mais aussi de Misr, de l'Égypte, du Maghreb et de tous ceux qui viennent de l'Ouest. Puis, il y a Qarnul Manazil qui est le miqat des gens de Naam. Qarnul Manazil s'appelle As-Sayrul Kabir. As-Sayrul Kabir. Donc Qarnul Manazil, c'est le miqat des gens de Najd, de ceux qui viennent de l'Est. Et il y a Lam Lam qui est le miqat des gens du Yémen, qui lui est situé au sud, à une centaine de kilomètres au sud de la Mecque. Et il y a le cinquième miqat qui lui a été cité dans un autre hadith, le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini waqqata li ahli al-iraqi dhatu irqin, pour les habitants de l'Irak le miqat de dhatu irqin. Et ce miqat est appelé ainsi dhatu irq, car il y a là-bas un irq, et un irq c'est une petite montagne en arabe. Al-irq c'est une petite montagne, et c'est le miqat des gens de l'Irak et de l'Iran, et ce miqat là est situé au-dessus du miqat Qarnul Manazil. Il est situé à l'est, mais plus au nord, au nord-est de la Mecque. Il est situé au nord-est de la Mecque, il est au-dessus de quel miqat? De Qarnul Manazil. Il est situé à l'est. Vous avez la Mecque, vous avez Yalam Lam, vous avez Qarnul Manazil, et au-dessus vous avez Zatu Irqin. Et au-dessus, tout en haut, vous avez Dhul Hulaifa, et en redescendant vers la côte, vous avez Al-Juhfa ou Rabir. Et donc, Zatu Irq, c'est le miqat des gens de l'Irak. Et de l'Iran aussi? Non, de la région. طيب فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم. Celui qui désire la Mecque pour accomplir des rites, il lui est interdit de dépasser ses miqat, ses mawaqit, ses stations, ses endroits bien définis, que lorsqu'il est en état de sacralisation. ويكره الإحرام قبلها. Et il est déconseillé de faire l'ihram avant d'arriver à ce miqat. وكل ما روي من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد ورد نقيضها فانظر الكلام على عللها في سلسلة الأحاديث الصحيحة الضعيفة. Et l'auteur dit, et il est détestable, déconseillé de faire l'ihram avant. Il rapporte une parole de il dit, et tout ce qui est rapporté, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Silsilatul Hadith al-Da'ifa, tout ce qui a été rapporté comme hadith qui montre le mérite ou qui encourage de faire l'ihram avant le miqat ne sont pas authentiques. Il a même été rapporté le contraire. Regarde pour plus d'informations ce que Cheikh Al-Albani a donné comme détail montrant le caractère faible de ces hadiths dans son livre Silsilatul Hadith al-Sahih al-Da'ifa, la chaîne de hadiths faibles que Cheikh Al-Albani rahimahullah a écrit ou a corrigé à la page 210 à 212. وما أحسن قول الإمام مالك رحمه الله لرجل أراد أن يحرم قبل ذي الحليفة لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة في هذه إنما هي أميال أزيدها قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Et l'auteur dit, et la meilleure parole rapportée à ce sujet, c'est-à-dire qui condamne fortement le fait de faire l'ihram avant le miqat, c'est la parole de l'imam Malik rahimahullahu ta'ala, lorsqu'un habitant de Médine est venu le voir et lui a dit de quel endroit devons-nous faire l'ihram. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu de Dhul Hulaifa. Et l'homme a dit, moi je veux le faire de chez moi. mais moi je désire faire l'ihram de chez moi. Et l'imam Malik rahimahullah lui a dit non, ne fais pas, car j'ai peur pour toi la fitna, la tentation, j'ai peur pour toi que tu ne sois tenté et que tu ne sois atteint d'une tentation. Et cet homme a dit, mais où est la fitna dans cela? Ce sont quelques miles que je rajoute. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu, y a-t-il une tentation plus grande que de celle de considérer que tu as fait une chose meilleure ou que tu as fait une chose dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait des manquements? J'ai entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dire que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, qu'une tentation ne les touche ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. Donc ici dans cette parole de l'imam Malik rahimahullah, qui montre que la bonne intention ne suffit pas en islam, mais que la bonne intention doit être suivie d'actes légiférés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des actes qui sont en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme qui a voulu faire l'ihram de chez lui, qui n'habitait pas très loin du miqat, et justement il minimisait cela en disant que ce n'est pas grave si je fais l'ihram de chez moi, il n'y a que quelques miles qui me séparent du miqat. Et l'imam Malik rahimahullah lui a répondu de façon claire, de façon directe et franche, en lui disant, n'as-tu pas peur, ou y a-t-il une tentation plus grande que de celle de considérer que tu as fait un acte meilleur que celui qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car quand tu considères que tu as fait une chose meilleure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as considéré indirectement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mal fait cette chose, ou qu'il a fait des manquements à cet acte-là, et c'est un manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de penser et d'agir ainsi. Et il lui a rappelé la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit, prenez garde, ou que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, c'est-à-dire à l'encontre des commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde qu'ils ne soient victimes d'une tentation ou qu'ils ne soient engloutis ou touchés par un châtiment douloureux. Et concernant l'ihram, beaucoup de gens pensent que l'ihram c'est le fait de mettre al-rida et l'izar, c'est de mettre les deux étoffes pour l'homme. Ceci, beaucoup pensent que c'est ça l'ihram. Non, l'ihram c'est la tension, c'est l'intention de faire la umrah ou de faire le hajj. C'est le fait de dire labbaik Allahumma bi umrah, ou labbaik Allahumma bi hajjah, ou labbaik Allahumma umratan wa hajjan, pour celui qui fait al-qiran. Ala kulli hal, l'ihram, la personne est en état de sacralisation à partir du moment où elle prononce la talbiyah, à partir du moment où elle prononce la talbiyah. Et le fait qu'elle s'habille avant, qu'elle mette son izar et son rida, qu'elle ne mette pas de chaussures, etc., qu'elle enlève tous ses vêtements et n'est vêtue que de ces deux étoffes, cela n'est pas considéré comme un état d'ihram. Donc une personne peut très bien s'habiller ainsi s'il a Médine depuis l'hôtel, puis de se diriger vers le miqat d'Al-Hulayfa, et à ce miqat-là de faire At-Talbiyah pour la Umrah, ou pour la Umrah et le Hajj pour celui qui est qari. Donc l'état de sacralisation, il faut bien comprendre cela, c'est lorsque la personne fait At-Talbiyah et non pas lorsqu'elle porte les vêtements de l'Ihram. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك